Un triste point en commun, unis les miens et les autres. Les liens sont sans fin quand le destin a ses fautes et fait que nos vers sont loin. Alors on serre les coudes face avec le mauvais sort, puis on sait ce qu'il en coûte. Brave, on est fort, et si on tombe, on se relève. C'est ça la différence entre moi et le faible. J'ai grandi avec la rage au ventre et un manque. La nuit j'ai pas sommeil, j'écris l'histoire qui me hante. J'ai grandi en banlieue comme tous ces jeunes sans père. Mon seul repère, 27 ans d'amour avec ma mère. Chez moi y'avait pas de jeune, on a poussé avec le fun. Des jours sans bouffe, parfois c'est triste comme le deuil. Putain de vie d'artiste, faites que Dieu nous bénisse. Si trop d'injustice, faites que Dieu nous bénisse. Ma seule issue le rap, donc je frappe en puissance. Parce qu'une star noire en France, c'est rare comme la chance. En absence de mon père, j'étouffe. Je pense à ma mère qui souffre et la tristesse que je lis dans ses yeux. Me remerveux ramène mon cœur en ouvrage. En l'absence de mon père, j'étouffe. Et je pense à ma mère qui souffre et la tristesse que je lis dans ses yeux. Me remerveux ramène mon cœur en ouvrage. Nos cœurs abritent plus d'une déception. Alors nos chansons sont pulsions et émotions. Loin de mon père, enfant sa mère, chaque jour je perds un peu de ma mère et je veux chanter au monde son courage. Que Dieu puisse pardonner mes outrages, car la tristesse que je lis dans ses yeux me rend nerveux, ramène mon cœur en naufrage. Moi je suis de ceux, messieurs, qui passent aussi en tout approuvé. Désapprouvé, j'essaie en vain de les retrouver. Originaire d'Haïti, je reviens de loin avec cette impression d'avoir le destin des miens dans les mains. Je tiens de mon père mon goût du savoir. Savoir est pour lui plus important qu'avoir. Avoir suivi de ses acolytes, le triste Kerry James, le mélancolique. En l'absence de mon père, j'étouffe. Et je pense à ma mère qui souffre. Et la tristesse que je lis dans ses yeux me rend nerveux, ramène mon cœur en naufrage. En l'absence de mon père, j'étouffe. Et je pense à ma mère qui souffre. Et la tristesse que je lis dans ses yeux me rend nerveux, ramène mon cœur en naufrage. Chaque naissance des miens est un problème politique. Une élite qui se demande s'il sera l'homme prolifique. Et en cas de coup dur, il faudra pas qu'on se vôtre. Donc on serre les rangs, quitte à marcher côte à côte. Plus qu'un texte, des écrits, des récits, des acquis. Acquis au prix du débit, car débit est ma vie. Depuis de nombreuses années, on est ensemble ce triste point commun. C'est la vie qui veut que je donne, j'en ai une bonne, t'inquiète. Même si les démons testent et que trop souvent la mort guette. La peur n'est plus dans nos yeux, la rage ma force. L'héritage d'un père pour qui Paris ne fut qu'un rêve de gosse. Le bonheur dans les bras d'une femme, génération métisse. Sur ma peau, dans mon cœur et dans l'âme. Des illusions, faut pas que l'histoire se répète. Un triste point commun. Un triste point commun. En l'absence de nos pères, on est tous. On pense à nos mères qui souffrent. Et la tristesse qu'on lit dans leurs yeux me rend nerveux, ramène mon cœur en naufrage. En l'absence de nos pères, on étouffe. On pense à nos mères qui souffrent. Et la tristesse qu'on lit dans leurs yeux me rend nerveux, ramène mon cœur en naufrage. En l'absence de nos pères, on étouffe. On pense à nos mères qui souffrent. Et la tristesse qu'on lit dans leurs yeux me rend nerveux, ramène mon cœur en naufrage. Mon cœur en naufrage, on étouffe. On pense à nos mères qui souffrent. Elles souffrent. Et la tristesse qu'on lit dans leurs yeux me rend nerveux, ramène mon cœur en naufrage. Eh, mais c'est Zig. Qu'est-ce que tu fais là, Zig? Manu même. On dit quoi? Oh là là, trop content de te voir. Qu'est-ce que tu fais là? Non, non, papa. Là, vraiment même, je suis dégoûté. Pourquoi? Mais je viens d'Afrique il y a même pas 2 heures. Là-bas, il fait beau. Tom, tu connais l'Afrique? Je suis parti pour 2 mois là. J'ai mangé, j'ai bu. Tom, tu connais la suite. La femme, il y en a beaucoup. C'est pas comme en France ici là. Ah ouais. Faut parler blablabla bla, bla, bla, avant de donner la chose. Là-bas, vraiment, non. Sinon, il y a longtemps même. Ouais, ça fait longtemps. Hein. Putain, c'est trop content de te voir. Et toi-même, t'as pas changé? Non, je suis là, tu vois. Toujours sport, façon là. Ouais. Ah, moi, là où tu me vois même, je suis fatigué. Je peux pas beaucoup parler. Je suis fatigué vraiment. J'ai des soucis même, il fait gris ici, il fait froid, il fait froid. T'es chez toi, je veux me reposer, t'attends ping-pong, ping-pong. Je regarde par la fenêtre, c'est les pompiers. Oh, je regarde à côté, la police même. Mais je me demande vraiment ce qui se passe dans la cité. Oh, c'est les jeunes, ils brûlent les voitures, ils se tuent entre eux. Je sais pas vraiment où on va aller dans l'avenir. Sinon, les autres là. Ouais, tout le monde est là, tu vois, on est là, on se maintient quoi. Et le rap, tout ça là, ça avance. Ouais, ça avance. Bah tiens, qu'est-ce que tu fais là? Tu viens avec mon studio? On y va même. Ouais. Ça, c'est pour me rendre malheureux encore plus. Ok, bon, c'est parti, on y on va. Est pas...